solitude des cœurs. Dissous par le bonheur, je me noie. Dans la solitude des cœurs, dissous par le bonheur, je me noie. Par le subconscient, la prière, toutes ces conneries qu'on espère, je me noie. Oh, décevez-moi, décevez-moi. Oh, décevez-moi, décevez-moi. J'irai, j'irai, j'irai vers le haut. Le bas m'appelle, l'or de moi, éphémère, éphémère. Moi je peux pas obligé de rester là, obligé. Du bonheur, du fait, ne reviendra pas, rien ne reviendra pas. Comme toi, j'ai pas vécu, j'ai rien de connu. Alors...